Une rentrée sur le bon pied, c'est l'amateur pour amateurisme ce soir sur Radio Grenouille. On va se la jouer house rétro-futuriste avec pas mal de vieilleries, pumping, deep techno, house aussi. Une heure de mix sur Radio Grenouille avec l'amateur et Gilou à la technique. Amateurisme maintenant sur Radio Grenouille. We'll be right back.

I want to Yo, c'est Amateurisme qui se finit avec ce beau morceau The Upper Room, c'est signé Spectre, un camarade de Théo Parrish, là-bas à Détroit. On était pas mal deep, on est monté un peu acide aussi, Pumping House aussi. Depuis une heure, c'était Amateurisme avec l'amateur et Jill à la technique. Je vous retrouve dans pas longtemps aussi en direct, si vous m'écoutez en direct ce soir, je serai au Bouge, c'est Cour Essendorf. Je serai avec l'ami Alberto Wallis et on jouera un peu dans cette vibe plutôt housey. Voilà, et je vous retrouve dans un mois, bien sûr, pour un nouvel épisode de cette nouvelle saison d'Abateurisme. Ciao, ciao.